Si vous mouriez aujourd'hui, êtes-vous certain que vous iriez au paradis? Il y a de l'espoir. Tout d'abord, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs et que nous méritons tous l'enfer à cause de nos péchés, pour avoir menti, volé ou convoité, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais quant aux timides, aux incrédules, aux exécrables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux empoisonneurs, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Selon ce verset, un seul mensonge suffit pour nous condamner à l'enfer, et nous savons que nous avons tous menti et que nous avons tous fait quelque chose de mal. Nous méritons donc tous l'enfer comme punition pour nos péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour pour payer la dette de nos péchés et pour nous sauver de l'enfer. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est né de la Vierge Marie, il est également un Dieu manifesté en la chair, en qui nous avons la rédemption par son sang, savoir le pardon des péchés. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il a été enseveli et il est ressuscité afin de nous sauver de nos péchés et de l'enfer. Il a subi notre condamnation à notre place en se livrant lui-même pour nos péchés. De plus, la Bible enseigne que le salut est par la foi sans les œuvres. En se confiant en Christ seul comme Dieu sauveur, nous recevons le pardon des péchés et la vie éternelle au moment où nous croyons en lui. La seule condition pour être sauvé est de croire ou d'espérer en Christ en lui demandant de nous sauver. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les mots « croire » et « foi » signifient « se confier en quelqu'un ou en quelque chose ». Pour être sauvé, nous nous confions en Christ comme étant le seul chemin pour le paradis, en mettant toute notre foi et toute notre espérance en sa mort et en sa résurrection comme étant le sacrifice ou le paiement complet pour nos péchés, ce qui nous accorde le pardon. Le salut est un don gratuit, c'est une grâce ou faveur imméritée de Dieu qui s'étend à tous ceux qui croient. Nous ne pouvons pas être sauvés par nos propres œuvres, comme en se repentant de nos péchés, en étant baptisé ou en se joignant à une église. C'est seulement la foi qui compte. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut est éternel et il est impossible de le perdre après l'avoir reçu. Il est donné gratuitement une fois pour toutes au moment où nous croyons. Donc, une fois sauvé, toujours sauvé. La Bible donne l'assurance de la vie éternelle à quiconque croit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le choix de recevoir Christ comme votre sauveur ou de le rejeter est maintenant à vous. Si vous croyez aux Écritures que nous avons vues ensemble, vous pouvez réciter la prière suivante afin de démontrer votre foi au Seigneur. La prière seule ne peut vous sauver à moins d'y croire également. Si vous croyez que vous êtes pécheur, condamné à l'enfer, et que vous croyez également que le salut est reçu seulement par la foi dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ comme étant la rançon complète pour vos péchés, et que vous ne pouvez être sauvé par le moyen de vos propres œuvres, et que vous ne pourrez jamais perdre le salut après l'avoir reçu, vous pouvez alors répéter la prière suivante. Cher Jésus, je crois que je suis pécheur et que je mérite d'aller en enfer, mais je crois que tu es mort sur la croix, que tu as été enseveli et que tu es ressuscité le troisième jour pour expier et couvrir tous mes péchés. Seigneur, sauve-moi maintenant et donne-moi la vie éternelle. Je me confie en toi seul pour mon salut et non en mes œuvres. Merci de m'avoir sauvé, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez sincèrement demandé à Christ de vous sauver, Vous êtes maintenant sauvés et vous avez reçu le don de la vie éternelle. Félicitations.